13, 11, observation, accord, approbation. Pour approuver, vous pouvez dire. C'est ça. Bien sûr. Très bien. D'accord. Tu as raison. Tu as bien raison. Certainement. Absolument. C'est une idée. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Parfait.